Le camarade Kim Jong-un, président du Parti travail de Corée, président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'armée populaire de Corée, a inspecté le combinat des matériaux de construction Cholima. Il a été accompagné des cadres responsables du parti et de l'armée, notamment Fang Byung-so. Il a apprécié l'usine pour ses efforts consentis à fournir les matériaux de construction de bonne qualité qu'elle a fabriqués aux importants chantiers de construction. Il a déclaré que les efforts dévoués des cadres et autres membres du personnel de l'usine qui ont appliqué parfaitement la tâche combative assignée par le parti seront à jamais transmis avec d'innombrables créations monumentales dressées dans la patrie. En regardant le panorama du combinat construit sur une vaste superficie, il a dit que le but de sa visite est de le transformer en un important centre de production des matériaux de construction synthétique du pays, mieux adapté à la réalité du pays et mieux modernisé. Le camarade Kim Jong-un a ensuite fait le tour de la salle d'historique. Il a souligné que les cadres et autres membres du personnel doivent toujours penser, vivre et œuvrer avec de grandes fiertés et dignité, de travailler à la base de production des matériaux de construction modernes, matérialisant le grand dessein du général Kim Jong-il, qui s'est toujours efforcé pour offrir à notre peuple la vie la plus civilisée et la plus heureuse dans le monde, et développer notre patrie en premier paradis du monde. Il a fait le tour de divers endroits, tels que les ateliers de matériaux de couverture en fer, de construction métallique en profilé léger, de matériaux de construction en plastique, l'exposition des produits, avant de s'enquérir en détail de l'état de la production et de la qualité des produits. Le camarade Kim Jong-un a qualifié variées les séries des produits de l'usine. Châssis de fenêtres en plastique et en aluminium aux formes, grandeurs et couleurs variées, matériaux de couverture en fer, écrans thermiques synthétiques, tubes en plastique, et en fer et en fil de fer, et blocs de toutes sortes. En qualifiant impeccable les matériaux de construction du combinat aussi bien du point de l'indice technique que la valeur esthétique, il a dit avec satisfaction que l'on peut dorénavant réaliser au niveau plus élevé l'art plastique et la valeur artistique des constructions avec les matériaux de construction de haute qualité de fabrication nationale. Satisfait de l'automation et du travail à la chaîne de tous ces processus de production, il a dit que ces équipements modernes permettent d'économiser au maximum les main-d'œuvre, les matières premières et les matériaux, et d'assurer suffisamment la productivité et la qualité des matériaux de construction et de continuer. Il est agréable de regarder les beaux édifices de production du combinat mis sur pied avec ces matériaux de construction. La plantation de divers fruitiers tels que plaques minières et du gazon dans l'enceinte de l'usine laisse voir l'excellent reboisement. Il faut dire que la mission du combinat des matériaux de construction Cholima est importante. Il a ensuite présenté les tâches au combinat. Assurer le haut niveau de la production et de la qualité des matériaux de construction. Accorder l'importance à aménager les processus de production des matériaux des cloisons métalliques mobiles et des meubles légers. Et associer les recherches scientifiques avec la production pour la variété, la diversification et la multicoloration des matériaux de construction. Et d'acheter. La visite au combinat des matériaux de construction Cholima mis sur pied à l'endroit magnifique et doté d'une grande productivité et des assises matérielles et techniques me donne la conviction que l'on pourrait bel et bien le transformer en une usine juvénile conforme au nouveau siècle si l'on y ajoute quelques processus de production des matériaux de construction modernes. L'aménageons à tout prix en grand centre de production des matériaux de construction synthétiques parfaitement adapté à la situation du pays et modernisé. Le camarade Kim Jong-un a dit que le parti a décidé de moderniser mieux le combinat des matériaux de construction Cholima, capable de produire à souhait beaucoup de matériaux de construction susceptibles de contribuer à l'amélioration de la vie du peuple et au renforcement national, à embellir davantage la patrie et à réaliser l'art plastique et la valeur artistique des créations architecturales, et qu'il se chargera personnellement des problèmes posés. Il a invité à aménager le combinat au niveau mondial et en centre profitable qui matérialise l'orientation du parti en matière de nationalisation des matériaux de construction avec nos ressources, matières premières et techniques, et qui est parfaitement adapté à la situation du pays, car cela nous permet d'appliquer à merveille le dessein du général Kim Jong-il. Le camarade Kim Jong-un a exprimé l'attente et la conviction que les cadres et autres membres du personnel du combinat des matériaux de construction Tolima vivront et œuvreront comme les porte-drapeaux de l'époque de Tolima, profondément conscients du dessein et de la volonté grandiose du parti, et feront un grand apport à l'édification d'une puissance prospère avant de se faire photographier en souvenir avec eux.